entre le symptôme physique de la descente d'énergie et ce qui se passe dans le ici et maintenant? Pour nous, si oui, comment l'analyser, faire le rapport? Je pense que je serais mieux de recommencer. Hein? Est-ce qu'on peut faire un lien entre les symptômes physiques de la descente d'énergie et ce qui se passe dans le ici et maintenant? Pour nous, si oui, comment l'analyser, comment faire le rapport? Merci, Daniel. Bon, si le ici et maintenant veut dire quand je... être ici et maintenant, ça veut dire vivre son moment présent. Vivre son moment présent, ça veut pas dire un moment présent qui s'échelonne de là une demi-heure, aller jusqu'à dans une demi-heure. Ça veut dire immédiatement, à l'instant même, sans mémoire. Ce qui fait que mon moment présent va continuer à progresser et mes mémoires ne le retiendront pas. Donc, je suis toujours dans le moment immédiatement présent. Et quelqu'un qui est dans le moment immédiatement présent est immédiatement, totalement et complètement dans l'énergie supramentale et même, à un moment donné, dans d'autres formes d'énergie supérieure à ça. Et cette personne-là ne peut pas l'analyser parce que si elle l'analyse, elle doit donc analyser les traces que ça a laissées dans sa mémoire. Donc, elle n'est plus ici et maintenant. Donc, elle n'est plus en contact nécessairement avec l'énergie ou du moins, pas mal moins. Et là, elle redevient un être humain avec une psychologie astrale conventionnelle, c'est-à-dire avec des mémoires. Alors, quand on veut analyser, on ne peut analyser un moment présent, on ne peut analyser que la mémoire que ça laisse dans, donc, on ne peut analyser qu'un moment passé. Alors, ce qui fait que, un lien entre les symptômes physiques, bon, alors, justement, un des symptômes, effectivement, c'est une bonne, le lien est déjà fait, un des symptômes qui est rare, mais qui est un des symptômes, c'est qu'un individu va tout d'un coup être dans le moment présent. Moment instantanément présent, ce qui fait qu'elle ne sait pas qu'elle est dans le moment présent. Et quand elle va redevenir normale, vivant avec ses mémoires et tout ça, bien, elle va se rappeler à un moment donné qu'elle a été dans un moment où il n'y avait pas de mémoire, pas de contrariété, pas de contrainte, rien. Puis où elle était pleinement attentive et pleinement efficace aux événements, sans pour cela les mémoriser. Alors, ce qui fait que, petit exemple, si vous vous promenez dans le bois, vous entendez plein de bruits, et si vous écoutez un bruit, vous l'analysez, c'est-à-dire que vous le laissez couler. Et votre attention ne fait que rechercher un bruit dangereux. Donc, tous les bruits que vous entendez qui ne sont pas dangereux passent comme dans un filtre, sans être arrêtés. Alors, vous l'entendez, il n'est pas dangereux, vous ne l'entendez plus, il est passé. Vous le réentendez encore, parce qu'au fur et à mesure que votre moment présent évolue dans le temps, disons, bien, vous continuez à l'entendre. Si un animal crie, bien, vous l'entendez pendant le temps qu'il crie. Mais vous ne vous arrêtez jamais au cri, ce qui fait que si, par après, on vous demande quel animal a crié, il y a de fortes chances que vous ne puissiez pas vous en rappeler. Puis à l'instant même où c'est un animal dangereux qui crierait, hop, là, c'est bloqué, puis automatiquement, vous êtes prêt, mais vous n'avez pas peur. Si vous avez peur, c'est parce que vous retournez fouiller dans vos mémoires et vous n'êtes plus dans le moment présent. Alors donc, un des symptômes plus que physique serait le être ici et maintenant. Ça, oui. Puis l'analyser, pour faire le rapport, on ne peut pas faire un rapport, on ne peut pas analyser un moment présent. On ne peut que le détruire ou le vivre. Une personne est seule au bord de l'eau. Un voilier d'outarde passe au-dessus de sa tête. En ce moment, elle sent qu'elle est une outarde. Une grande angoisse et une grande détresse s'emparent d'elle à la pensée que ses compagnes l'ont abandonnée et qu'elle ne pourra plus jamais les rejoindre. Que s'est-il passé? Merci pour la réponse. Alors voilà. Une personne qui regarde et qui soudain devient une outarde, c'est une personne qui peut avoir deux phénomènes. Elle peut, de par sa psychologie astrale, tout à l'heure on parlait de Diable, on parlait de Yavik, par sa psychologie astrale, elle peut tout d'un coup faire un voyage astral, une projection astrale, et elle va être en contact avec les mémoires laissées par des outardes volantes. Bon, automatiquement, elle, inconsciemment, va faire le rapport entre le fait qu'elle est au sol et que le voilier vole, donc qu'elle est abandonnée, mais elle se sent toujours une outarde. Pourquoi? Parce qu'elle est en contact vibratoire avec une mémoire astrale, donc planétaire, bien outarde. Ou encore, elle peut simplement avoir réussi à être ici et maintenant, c'est-à-dire qu'elle observe quelque chose et à un moment donné, son âme n'intervient plus. Elle n'est plus identifiée à elle, elle n'est plus limitée. Elle observe et ce qu'elle observe disparaît aussi. Il n'y a plus de distance entre elle et la chose observée, Donc, il n'y a plus d'observateur, il n'y a plus d'observé. Elle est ici et maintenant, et elle peut donc ressentir ce que l'outarde va ressentir parce qu'elle connaît avec l'outarde. C'est-à-dire qu'elle naît dans le présent en même temps que l'outarde. Elle naît avec, elle connaît. Et là, elle a vraie connaissance. Alors, ce qui arrive, c'est que si elle peut faire ça, ça peut être enregistré par la mémoire, et tant que cette mémoire-là n'intervient pas, donc tant qu'elle n'est pas manipulée par sa propre psychologie mémorielle, elle va être en connaissance avec l'outarde. Et à l'instant même que cette psychologie-là intervient, elle peut donc revenir en contact avec l'astral, non plus planétaire, mais l'astral même qu'elle a mémorisé en étant en contact avec le voilier, et puis automatiquement, bien, elle peut, ce qu'on appelle rêver, hein, un rêve, c'est ça, un rêve, c'est quoi? C'est simplement être en contact vibratoire avec une mémoire. Une mémoire planétaire ou une mémoire individuelle que l'on peut transformer en mixant des mémoires ensemble. Donc, à un moment donné, elle peut se sentir être une outarde et automatiquement, elle va encore revivre le désarroi des outardes qui étaient abandonnés. C'est un voyage astral qu'elle a fait. Est-ce que l'énergie satanique est un manque de compréhension de l'énergie, Claude? Mais vois-tu, Claude, l'énergie satanique, c'est pas tout à fait un manque de compréhension. Par contre, en ayant peu de compréhension de l'énergie de type astral, parce que l'énergie satanique n'est qu'astrale, bien évidemment, on peut être plus sujet à être manipulé par cette énergie-là. Mais l'énergie satanique n'est pas un manque de compréhension. C'est simplement un agglomérat mémoriel de pensées négatives émises par certaines personnes. Alors, ce qui fait que le manque de compréhension de l'énergie astrale, c'est les mémoires, hein? Et donc, automatiquement, tout ce qui est émis est mémorisé, c'est astral. Le manque de compréhension de l'énergie astrale nous amène à être assujettis à l'astral. Alors, ce qui fait, comme tout à l'heure, on expliquait, si je te crie une bêtise par la tête, automatiquement, tu es assujetti aux mémoires. Parce que si je te dis ça en hébreu, bien, ça ne te dira rien. Parce que dans tes mémoires, ça ne signifie rien. Mais c'est le manque de compréhension du phénomène astral qui t'amène, toi, à être assujetti aux forces sataniques, aux forces qui sont noires. Mais c'est pas ça, la force satanique. Pour la première fois, Daniel, j'ai une question qui va t'obliger à te taire. J'ai pas à poser de questions, car j'ai eu la réponse. Merci. Tu ris, mais m'a parlé. Parce qu'effectivement, on a déjà fait une conférence, La parole est d'or, et puis j'explique de temps en temps, puis assez souvent, que quand on pose une question, ben on l'écrit, ou ben non, si on a une bonne mémoire visuelle de... Comment je peux dire ça? En tout cas, de projection, on la retient. Et puis, en étudiant notre question, ben souvent, on a notre réponse dedans. C'est pour ça qu'il faut poser des questions. On peut me les poser, mais vous pouvez y répondre aussi. L'énergie qui va descendre, est-ce qu'elle vient pour harmoniser les corps de l'homme à un nouvel stade de perfection? Claude. Non, Claude. L'énergie qui descend ne vient pas pour quoi que ce soit. Il se trouve qu'elle passe là et que l'homme passe là. Vois-tu, si tu te promènes sur la plage puis qu'il y a une espèce de petit crustacé qui est dans le sable, dans un trou, toi, tu passes en courant, tu fais ton jogging matinal, puis en passant dans une flaque d'eau, t'arroses le crustacé. Mais tu le sauves parce qu'il est en train de brûler que le soleil. Mais t'es pas passé là pour le sauver. T'es passé là, puis c'est tout. Et ça l'a sauvé. Quand tes nuages te passent au-dessus de ta tête, il commence à pleuvoir, ça fait 6 mois qu'il pleut pas, il pleut pas pour te sauver. Il pleut parce qu'il se trouve que les conditions et que les lois qui régissent le monde matériel font en sorte qu'il pleuve. L'énergie circule comme une vague qui arrive dans le désert et qu'il n'y a personne pour l'entendre, elle fait du bruit pareil. Le bruit est perdu? Non, le bruit est là parce qu'il est là. Alors l'énergie qui circule, circule. La Terre passe dedans, elle est captée. Quand la Terre est rendue ailleurs, elle continue à circuler, puis elle se balance. Alors l'énergie ne vient pas pour quoi que ce soit, mais ça va donner comme résultat, comme la flaque d'eau quand tu piles dedans, ça éclabousse le crustacé, ça donne comme résultat que tu le sauves, réellement en termes de véhicule physique, ça va donner comme résultat que ça va augmenter le schéma vibratoire de l'homme. Puis ça, c'est des lois qui régissent des choses et que c'est normal que ça se passe comme ça. Exactement comme quand tu mélanges deux produits, bien, il se passe une réaction, bien, c'est la même chose. Mais il n'y a pas un qui est là pour quoi que ce soit. Ils ne savent pas ce qu'ils font là, c'est tout. Ils le font. Puis nous autres, on pense à savoir, puis on cherche, puis on ne comprend plus rien. Quelle est la date et le jour de cette descente d'énergie? Est-il possible de savoir aussi pour l'année 1986? Merci. Bon, la date et le jour, on ne le dit pas. Pourquoi? Parce que premièrement, il n'y a pas de date précise, donc il n'y a pas de jour. Et puis, ça commence très lentement. Ça s'accentue et ça diminue. Et puis, un individu qui s'attend à une date, un individu, disons, je ne veux pas vexer la personne qui pose la question, là, mais qu'elle essaie de comprendre. Un individu qui attend une date fixe, c'est un individu qui est prêt à se mettre en position de lotus, un poteau de clôture. Parce qu'il s'attend à ce qu'à un moment donné particulier, il se passe quelque chose de particulier. L'individu qui va se trouver dans un endroit au bon moment, c'est un individu, comme on en parlait tout à l'heure, qui a le programme, donc qui est prêt, en termes initiatiques, à vivre ça. Les autres individus vont être n'importe où, n'importe quand, au lieu d'être au bon endroit au bon moment. Et eux autres vont capter l'énergie, mais selon leurs conditions psychologiques avec. Mais une personne qui se met prêt, en attente, va avoir bien de la misère à le capter parce que c'est une énergie qui est vivante. Puis il y a juste un individu qui vit normalement, pas qui se transforme tout d'un coup pour capter quelque chose qu'elle ne connaît pas. Et, voyez-vous, vous pouvez ouvrir votre canal d'énergie selon une forme, disons, circulaire, carré, en losange, en hexagone, en pentagone, de n'importe quelle façon. L'énergie descend selon une forme particulière. Savez-vous de quelle sous quelle forme elle va descendre? Non. Alors, vous ne pouvez pas vous mettre en attente en essayant d'ouvrir votre canal selon une forme particulière parce que l'énergie risque de profiter de vapeur en tout. La nature, votre nature propre, votre ajusteur de pensée, disons, va ouvrir le bon canal de la bonne façon, au bon moment, le temps qu'il faut. Continuez à vivre, soyez attentifs à des symptômes, puis acquérissez de la connaissance pour comprendre ces choses-là. Avant les descentes d'énergie, ça, c'est intelligent et c'est sage. Mais recherchez une date particulière et des choses comme ça, non, parce qu'on va se placer, selon, on va essayer de voir c'est quoi, mais on va ouvrir le canal selon une forme qui n'est pas appropriée à la descente d'énergie, puis on ne verra absolument rien. Alors, ce qui fait qu'il ne faut pas faire ça. La descente d'énergie se fait-elle sentir essentiellement par une manifestation physique, soit une douleur, ou peut-elle se produire sous forme d'intuition? Merci. Bon, l'intuition est une forme de descente d'énergie ou de retour d'énergie. L'intuition, c'est une forme de connaissance instantanée qui vient du supramental, donc une descente d'énergie, mais elle peut être un retour d'énergie. C'est très important d'en voir la différence. Le retour d'énergie, c'est quand c'est l'astral qui vous vomit une connaissance. Elle peut l'avoir pris dans le domaine planétaire, donc c'est une connaissance qui peut s'avérer vraie, mais qui peut s'avérer fausse en maudit à un moment donné. Alors, ce qui fait que l'intuition, celui qui n'a pas le discernement, bien, il est mieux de ne pas truster l'intuition pantoute. Il peut s'en servir, mais en surveillant ta barouette. La descente d'énergie ne se fait pas nécessairement sentir par problème physique. On a vu tout à l'heure qu'une personne fait d'être dans un état d'être instantané, ici et maintenant. Un individu peut avoir une compréhension fulgurante et ça peut être dans un phénomène symptomatique physique. Ça peut être de bien d'autres manières. Tu peux te réveiller un bon matin, puis tu vois plus les choses de la même façon. Exactement, tu es complètement changé, tes virus le top. Ça sent. Puis le lendemain matin, tu revois tout comme hier. Puis là, tu es dépressif, tu es complètement dépressif parce que là, tu vois une différence de potentiel. Puis tu peux te faire embarquer par l'énergie négative. Puis quelquefois, ça peut durer plus qu'une journée. Ah oui, ça peut durer l'éternité. Des mois. L'âme, est-ce que tout le monde a une âme, Gabriella? Oui, tout le monde a une âme. Bien, tout le monde qui est ici, en tout cas, a une âme. Puis tout le monde que vous connaissez a une âme. Il peut y avoir certains genres de formes d'individualité qui ne sont pas individuelles parce qu'ils n'ont pas d'âme, qu'on appelle des maîtres ou des initiés de très haut niveau, et je dis bien de très haut niveau. Et ces initiés-là ne viennent pas voir personne dans leur rêve. C'est assez astral, ils sont d'un niveau vraiment supérieur à ça. La seule chose qu'une personne peut rencontrer dans l'astral, c'est la mémoire laissée par un initié, la mémoire laissée par un maître, qui peut lui parler aussi. Qui peut l'aider d'une façon extraordinaire, puis qui peut le fourrer carrément aussi. Alors, ce qui fait que mais tout le monde a une âme, du moins dans le... Quand on parle de monde, parlons du monde ordinaire, là. Tout le monde a une âme, oui. Aux premières rencontres avec certaines personnes, je vois leur aura ou ressens leur vibration. Après, plus rien. Comment expliquer cela? Bon, parce que premièrement, un individu peut avoir... disons, on appelle ça un don extrasensoriel, là, mais un don tout le monde l'a, fait que c'est pas un don qui vaut grand-chose, il faut rien que le développer. Puis il y en a qui sont un peu plus développés, comme il y en a qui chantent bien, il y en a qui chantent faux. Bon. Alors, ce qui arrive, c'est ce qui peut arriver par contre, ce qui peut arriver, c'est que le fait, c'est ce qui peut arriver, hein, il y a des millions de choses qui peuvent autoriser un phénomène comme ça, mais ce qui peut arriver, c'est qu'un individu, parce qu'elle a des craintes, parce qu'elle est curieuse, pour n'importe quelle raison de type astral, hein, de type psychologique, bien, elle peut légèrement hausser ce petit don-là parce qu'elle est curieuse, bien non, parce qu'elle est craintive, elle veut en savoir plus, et elle a ce résultat-là. Et quand elle connaît l'individu, bien, elle n'a plus la même curiosité, la même nature de curiosité, la même sorte, ou la même nature de peur, de crainte, et automatiquement, bien, elle ne peut plus voir le phénomène. Ça peut être une explication. mais ils ont un peu plus d'un million d'explications. Je ne pourrais pas toutes les couvrir là, même si je parle très, très vite. Lumière, ténèbres. D'où cela vient-il? Vers quoi cela doit-il aboutir, Lucie? Bon, Lucie, lumière, ténèbres, on va prendre ces termes-là premièrement pour répondre. Quand l'astral de l'homme, la psychologie intrinsèque à l'homme mémoriel, ce qu'elle connaît, ce qu'elle a en mémoire, c'est ça qu'elle connaît, et ce qu'elle connaît, elle peut jouer avec. Donc, elle peut le transformer, elle peut le contrôler, le maîtriser. Quand tu connais un animal dangereux, tu peux inventer de quoi pour le maîtriser. Mais quand tu connais pas sa faiblesse ou encore sa puissance, tu peux pas le faire. Alors, ce qui arrive, c'est que, donc, automatiquement, l'homme, de par ses mémoires, de par la sécurité qu'il avait quand il avait une chose en mémoire, a donc automatiquement eu peur de ce qu'il n'avait pas en mémoire. Donc, il a eu peur de ce qu'il ne connaissait pas, parce que, et vu qu'il ne le connaissait pas, sa psychologie astrale ne pouvait pas le contrôler, ne pouvait pas réagir avec. Le mental aurait pu le faire. Là, l'homme commence à avoir un mental assez développé pour le faire. Alors, ce qui fait qu'automatiquement, quand la nuit arrivait et que l'homme ne voyait plus rien, ben les sens de l'homme, qui sont les tentacules de l'astral, qui sont les espions de l'astral, ne captaient plus rien. Les yeux ne voyaient plus rien. Et automatiquement, vu que c'était surtout l'œil qui permettait à l'astral de connaître l'extérieur sans gros effort, sans perte d'énergie, il n'y a pas de déplacement, on voit tout, hein, qui permettait de toucher grâce à la lumière, ben automatiquement, la lumière n'étant plus là, il y avait les ténèbres, et les ténèbres ôtaient la vue à l'homme, et l'homme ne pouvait pas connaître, il entendait un bruit, il ne pouvait pas voir, donc l'homme avait peur, et automatiquement, on a mis comme symbole les ténèbres étant la chose, disons, qui descend l'homme, qui amène du mal à l'homme. Pourquoi? Parce que quand l'homme ne voit pas, l'homme a peur. Quand l'homme a peur, son schéma vibratoire descend. Quand son schéma vibratoire descend, l'homme rentre en contact avec les vibrations basses de l'astral, où, justement, on a les forces du ténèbre, qu'on appelle ténébreuse, parce que, justement, c'est la peur causée par le manque de connaissances amené par la noirceur à cette époque-là, hein, qui amenait l'homme en rentrant en contact avec ça. Or, de ce fait, on a appelé les ténèbres les choses sataniques. On a mis aussi la base astrale au niveau de la noirceur, du noir, des ténèbres. Et la lumière, ben là, l'homme pouvait voir, l'homme se sentait rassuré. Donc, l'homme augmentait son schéma vibratoire. Donc, l'homme quittait le contact qu'il avait avec le bas astral et rentrait en contact avec le haut astral, l'astral spirituel, là où sont placés, disons, les maîtres, les bons enseignements, les philosophies qui ont de l'allure, les concepts et tout ça. Alors, ce qui fait que, ben, voilà d'où vient la lumière et les ténèbres. On garde encore ces termes-là. Ce que l'homme ne connaît pas, ce que sa psychologie astrale ne connaît pas, l'homme en a peur. Et ce qu'elle connaît, l'homme n'en a pas peur. Mais là, n'est pas la solution dans l'évolution. À un moment donné, on quitte les ténèbres, on quitte la lumière, on va quelque part où ce que ni un ni l'autre n'existe. Puis même s'il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de ténèbres. Et ça, ben, c'est le savoir instantané qui va amener ça. Donc, l'intelligence active, et non pas l'intelligence passive liée aux mémoires, le Saint-Esprit ou l'énergie supramentale, bref, ce qui s'en vient pour l'ère du Verseau, qui commence un peu présentement. Et ça va aboutir à quelque part que ça ne sert à rien d'expliquer parce que présentement, l'homme n'a pas encore la connaissance de base adéquate et le développement mental adéquat pour pouvoir y arriver à comprendre sans que ce soit dangereux pour lui, bref, sans que ça mêle toutes les cartes dangereusement. Alors, ce qui fait que où ça va nous mener, bien là où ça doit nous mener. Vous avez parlé du programme OVSA pour des jeunes enfants. Qu'en est-il exactement? Est-ce commencé? À quel âge pensez-vous les admettre? Merci, Daniel. Bon. Alors, vois-tu, Daniel, présentement, le programme d'éducation pour au niveau du projet OFSA, qui est l'Organisation du village scientifique de l'avenir, pour ceux qui ne connaissent pas trop, là, c'est simplement un village, à un moment donné, qui va être bâti au Québec à partir de bases ésotériques et scientifiques. Alors, ici, on a une maquette d'une des maisons qu'il va y avoir dans le village. C'est un dôme géodésique. Alors, au niveau du projet lui-même d'éducation, on est avancé en termes de cours complets d'éducation au niveau du programme Maître Contrôleur, celui que je vous parlais tout à l'heure, qui, lui, est adapté aux adultes. À un moment donné, on va commencer un cours pour les plus jeunes, mais ça, il faut premièrement que les parents connaissent déjà le programme Maître Contrôleur pour pouvoir continuer l'éducation au niveau de leurs enfants ailleurs qu'ici. C'est-à-dire que, comme à l'école ou comme dans la maison, une personne va donner une base à un enfant, l'enfant s'en va à l'extérieur, puis tout ça est tout faussé. Hein? Alors, trois quarts de la société éduque l'enfant, le reste du corps, c'est les parents, puis imaginez-vous ce que ça donne. Alors, ce qui fait qu'on ne peut pas commencer ici, présentement, un cours aussi avancé que le PMC, le programme Maître Contrôleur, sans que les parents y soient passés, pour que réellement les parents puissent continuer à se perfectionner dans le programme en éduquant leurs enfants Et nous, on peut donner la base aux enfants, puis les parents peuvent continuer. Alors, il y a une cédule qui est faite au niveau des enfants, mais elle ne peut pas être accessible présentement aux enfants, à part peut-être quelques rares exceptions, si les parents ne sont pas passés par le PMC avant. Lorsqu'on ressent du stress sous forme de boule dans la poitrine ou autrement, s'agit-il d'un blocage d'énergie? Se pourrait-il que pour ne pas vivre ce phénomène, il s'agisse de laisser le corps ressentir ce qui lui fait mal, ce qui fera qu'il n'y aura pas de boule? Est-ce que les phénomènes sont là pour apprendre à l'homme la conscience du corps? Merci, Lucide. Bon, lorsqu'on ressent un stress sous forme de boule dans la poitrine ou autrement, s'agit-il d'un blocage d'énergie? Ben, c'est officiel que oui. Maintenant, ça peut être un blocage d'énergie sanguine, donc causé par de l'angine de poitrine. C'est important de vérifier pareil. L'artériosclérose amène des choses en genre. Alors, c'est important de vérifier ça. Ça peut être une angine de poitrine. Bon. Alors, j'ai déjà expliqué à un moment donné que quand on a des symptômes pathologiques, première chose à faire, ben, c'est de ne pas paniquer. Puis quand ça devient, disons, style de poitrine ou des choses comme ça, ben, il faut quand même voir. Si vous avez 30 ans et plus, que vous faites un petit peu d'embonpoint, que vous mangez irrégulièrement à peu près n'importe quoi, que vous êtes un petit peu homme d'affaires ou que vous avez des problèmes au niveau de votre vie sociale, bien, vous êtes parfaitement sujet à avoir de l'angine de poitrine. Bon. Alors, bref, vous devez voir votre médecin. Bon. Par contre, ça peut être un autre blocage d'énergie, ça peut être de l'énergie vitale qui est bloquée là. Ça, un acupuncteur pourrait vérifier ça. Et vous aussi, là. Là, je vous donne des symptômes, mais il ne faut pas... Parce qu'on a entendu parler à un moment donné par un certain conférencier suspect que le descente d'énergie amenait des symptômes physiques. Il ne faut pas penser que toute fois qu'on est malade, qu'on est en train d'évoluer. De temps en temps, c'est des involutions. Il faut réellement faire attention. Bon. Alors, évidemment, c'est un blocage d'énergie. Mais ça peut être aussi carrément l'énergie intelligente, l'énergie supramentale, qui descend et qui, elle, doit se faire un chemin puis doit tasser des choses, doit augmenter certaines choses en vibration et ça crée des symptômes de résistance au niveau de l'âme, au niveau de l'ego, donc des mémoires. Parce qu'une mémoire, ça change pas une mémoire, c'est pas vivant. Ça reste comme ça, ça veut s'imbriquer, comme un anticorps. La mémoire, on en met un autre par-dessus. Ils vont lutter ensemble, puis à un moment donné, ben la plus forte, la neuve, normalement, ce que vous venez juste d'apprendre, va prendre le dessus. Parce que les mémoires, à la longue, finissent par se désagréger dans l'homme. Ça, c'est une bonne chose. On va dire, c'est plate, parce que ce que j'ai appris il y a 5 ans, je ne m'en rappelle plus. Peut-être. Mais tous les malheurs que tu as eus il y a 5 ans, tu ne te rappelles plus non plus, puis ils ne te font plus souffrir non plus. Alors, voilà où ce qui est de bon côté. Alors, ce qui arrive, c'est un blocage d'énergie ou encore un plaçage d'énergie fait par une intelligence supérieure, intelligence active. Se pourrait-il que pour ne pas vivre ce phénomène, il s'agisse de laisser le corps ressentir ce qui lui fait mal? Bon, alors, normalement, non, le corps ressent. C'est un symptôme qui avertit le mental. Ben, normalement, c'est l'astral, la psychologie émotive, là, qui peut avoir peur, ben non, qui jouit, dépendant de son état de programmation, hein, d'une douleur. Normalement, il devrait avertir le mental qu'il se passe quelque chose. Alors, ce qui fait que si vous vous appuyez sur votre poêle et que vous sentez une douleur radiante au niveau de la main, ben, vous pouvez penser que votre onde est allumée. Bon. Par contre, ce qui va arriver, c'est que si c'est une douleur physique, à un moment donné, vous avez, hop, une douleur vive en dedans, puis elle disparaît. Qu'est-ce que vous faites? Bon, pas grave. Mais vu que c'est pas grave, ben, la douleur doit apparaître puis rester là une semaine de temps. Puis là, vous allez faire de quoi? Vous avez un brûlement à l'estomac, ça disparaît. Allez-vous changer votre régime? Non. Quand vous allez gracher le sang ou quand vous allez avoir des brûlements régulièrement après quelques mois, bien là, vous allez vouloir faire de quoi? La douleur, ce n'est pas quelque chose qui se doit de rester là. C'est quelque chose qui, par notre programmation, la fait rester là pour obliger l'astral à pousser l'individu à se guérir ou encore à voir pourquoi il y a une demande, une alerte. Normalement, j'ai une douleur, disons une boule comme on parle au cœur. La douleur, elle est là. Mon mental devrait analyser ce qui s'est passé. Il devrait être capable de fouiller dans mes mémoires, voir si j'ai un stress accumulé depuis longue date. Parce qu'un stress, ça peut arriver directement, mais ça s'accumule aussi depuis longue date, puis c'est lui qui est dangereux. Mais si l'astral peut pas voir ça, ma mémoire peut pas voir ça. Ma mémoire, quand elle a une douleur, tout ce qu'elle pense, c'est de plus avoir de douleur. Mais elle veut pas rien régler. Elle veut que ça se règle. Bon, elle jette un 5 cents dans un puits, puis elle espère que ça va se régler. Bon. Alors, ce qui arrive, c'est que mon mental devrait être capable d'analyser, il fait disparaître la douleur parce qu'elle n'est plus utile. Mais il n'oublie pas le problème, il va s'organiser pour le régler le problème ou pour analyser d'où vient la cause pour savoir s'il y a problème. Et ça, c'est pas la majorité des individus qui peuvent faire ça. je reviens encore au programme être contrôleur, c'est le un début du programme. Alors, ce qui arrive, c'est qu'on ne doit pas laisser notre corps avoir mal. Parce que si c'est une pathologie physique, bien, la douleur au niveau du cœur, si c'est une angine, donc une ischémie au niveau du myocarde, un manque de circulation sanguine, un manque d'oxygène au niveau d'une partie du muscle cardiaque, bien, ça peut dégénérer en infarctus. Alors, ce qui fait qu'on ne doit pas laisser le corps ressentir une douleur. Le corps devrait être capable, le mental devrait être capable d'étudier, de voir ce qui se passe, on s'organise pour ôter la douleur. Mais après, on continue le cheminement pour empêcher le retour de la douleur. Ou encore, s'il n'y a pas de danger, ben le mental devrait le savoir. L'astral ne peut pas le savoir. L'astral va tout faire en sorte pour s'imaginer qu'il y a bien, bien du danger ou qu'il n'y en a pas pantoute, dépendant des individus. Bon, ces phénomènes-là ne sont pas là pour apprendre à l'homme la conscience du corps. Mais vu que l'homme n'a pas conscience du corps, il a ces phénomènes-là. C'est bien différent. Y a-t-il un timing à respecter, à la fois biologique et spirituel, avant d'œuvrer activement dans le domaine exotérique et ésotérique? Absolument, absolument. On m'a dit 1990, que faire de mon impatience et de mon désir d'action? La mettre aux poubelles. ML. Bon. Premièrement, si on a une impatience, puis là, ML, si tu me poses une question comme ça, je vais te répondre comme si tu étais au niveau de poser une question comme ça, ce qui peut être très bien le cas. Si tu te sens frustré, c'est parce que tu n'es pas au niveau de poser une question comme ça. Exactement comme quand un disciple rencontre un maître et qu'il lui demande « Maître, quand est-ce que je vais être comme vous? » Ben, c'est simple, tant que tu as posé des questions de même, tu seras jamais comme moi. Bon, c'est simple. Fait que si ça vexe que pas le disciple, c'est parce qu'il est prêt. Si ça le vexe, c'est la preuve qu'il n'est pas prêt. Le maître a bien fait d'y répondre de même. Y a-t-il un timing, donc un chronométrage, la loi 101, à respecter à la fois biologique et spirituel? Spirituel, entendons-le, dans le bon sens ésotérique du terme, dans un sens d'apprentissage évolutionnaire, et non pas dans le sens, disons, exotérique du terme, qui est un attachement inconditionnel à une forme sécurisante, comme une religion, comme un maître, comme une philosophie. Spiritualisme-là, il n'est pas adéquat pour l'évolution de l'homme. L'homme ne doit pas être sécurisé. L'homme doit être sécurisant, disons, mais non pas être sécurisé. Alors, y a-t-il un chronométrage à respecter à la fois biologique et spirituel avant d'œuvrer activement dans le domaine exotérique? Exo-ésotérique. Exotérique, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est tout ce qui est donné à la masse. Et ésotérique, c'est tout ce qui est caché à la masse. Présentement, ce qu'on fait ici, moi, par rapport à moi, je fais un travail exotérique. Mais les connaissances qu'on donne, on les diffuse pas à la radio. Et si on les diffuserait à la radio, ben l'exotérisme de la diffusion devrait prendre une autre forme. C'est-à-dire qu'on n'irait pas aussi profondément, on n'irait pas aussi haut, on n'emploierait pas les mêmes mots parce que la masse n'est pas prête. Exactement comme, prenons un exemple, en Union soviétique, ben à un moment donné, en 1982, le peuple soviétique a appris que les Afghans avaient demandé aux forces armées russes de venir les aider à se battre contre une guérilla afghane qui tentait de renverser le régime en 1982. Ça, c'était la connaissance exotérique du peuple. Ésotériquement, en 1980, le gouvernement savait qu'il avait lui-même envahi l'Afghanistan. Mais le peuple ne le sait pas. Alors, un travail exotérique voudrait donc dire un travail en politique, par exemple, à l'extérieur, dans le grand domaine. Présentement, moi, je fais encore un travail ésotérique par rapport qu'on est un petit nombre. Exotérique par rapport à moi, c'est déjà divulgué des choses. Alors, ce qui fait que l'exotérisme est ce qui est donné politiquement à tout le monde, puis qui n'est pas nécessairement la vérité. Puis ésotérique, c'est la vérité, puis comme le monde n'est pas prêt à le recevoir, on le donne sous forme de parabole ou on ne le donne pas pantoute. Alors, il faut un chronométrage très, très fort au niveau biologique, c'est-à-dire qu'il faut avoir un corps en condition physique, en condition de façon musculaire, de façon nerveuse, de façon osseuse, de façon endocrinale, de façon cérébrale, au niveau spirituel, donc au niveau des mémoires astrales, au niveau du programmage, au niveau de notre mental, hein, évidemment, avant de vrai, ça c'est officiel. Et si on est pressé, c'est que notre psychologie astrale veut tenter d'opérer une mission sur la Terre. Et si on est pressé, c'est que l'astral veut s'emparer de toutes nos béatitudes, disons, au niveau de notre évolution, pour s'en servir. Et si on est pressé, bien, une chance que c'est en 90, parce que si on est pressé, c'est parce qu'on n'est pas prêt pantoute à rien faire là-dedans. On n'est pas assez avancé encore. Alors, ce qui fait que, qu'est-ce qu'il faut faire avec mon impatience et mon désir d'action? Faut le foutre aux poubelles. Le travail doit se faire encore sur l'individu parce que l'individu n'est pas prêt à agir dans l'exotérique et dans l'ésotérique. Il va se brûler les ailes. Et puis ça, c'est une chose, chaque chose en son temps. Et si ton temps n'est pas venu, pas le temps de le faire. Puis c'est pas l'homme, c'est pas toi qui va déterminer quand est-ce que ton temps est venu. Quand tu vas commencer à faire des guérisons, c'est quand le monde va commencer à être guéri autour de toi. Pas quand tu vas commencer à sortir pour les guérir. C'est ça, être en son temps. Tous les gens, Daniel, qui cheminent dans la conscientisation, je pense, à 98 % ont tous eu cette impatience à un certain moment donné. Tout le temps. C'est normal, ça fait partie de la game, je pense. Parce que, comme tu mentionnais tantôt, je parle dans ceux qui œuvrent normalement, là, de façon normale, où tu hausses tes vibrations, puis après ça, dépression, hausses les vibrations, dépression, ainsi de suite, tu viens tanner en sacrifice par secousse. Tu deviens impatient. Et puis, tout le tralala, tous ceux du moins que moi j'ai connus. Vois-tu, ce qui arrive, c'est que le phénomène astral, ignorant plusieurs choses, parce qu'il ne connaît que sa mémoire étant limitée à 20, à 30, à 40, à 50 ou à 60 ou à 100 années de programmation, ce qui est très réduit par rapport à tout ce qui existe dans l'univers. Et le savoir instantané, lui, n'a pas de mémoire. C'est ce qui se passe là, tu y as accès instantanément, immédiatement. Donc, tu connais tout. Parce que tu connais avec tout. Alors, ce qui arrive, c'est que tu commences à évoluer, tu augmentes en vibration, tu augmentes en connaissance, tu te perfectionnes, tu t'améliores. Donc, disons, tu évolues. Mais ce qui va arriver, c'est qu'à un moment donné, tu vas découvrir que par ce cheminement-là, tu connais plus. Donc, connaissant plus, ton astral est plus rassuré. Donc, il va venir un moment donné où l'astral va non plus mettre de frein à l'évolution, mais te pousser à évoluer, parce qu'il voit là un instrument extraordinaire pour arriver à se sécuriser. Ce qui fait que le cheminement n'est plus mené par la vie, mais il commence à être dirigé par l'astral, qui veut plus parce qu'il est plus sécurisé. Alors, ce qui fait qu'automatiquement, on a hâte d'arriver, par exemple, à avoir un contact supramental, on appelle ça une fusion de tous les corps, par exemple, parce qu'on va tout savoir. Mais si tu as hâte, c'est parce que ton astral, qui a peur, a hâte de tout savoir pour ne plus avoir peur. Donc, elle va vouloir mener ton chemin. Mais elle, ignorant ce qu'elle ne sait pas, hein, ce qui est logique, va pouvoir mener ton chemin tout partout, sauf là où ce qui doit aller, parce qu'elle ne sait pas c'est quoi qu'il y a en avant. Donc, elle ne peut pas savoir comment t'amener là. Exactement comme je dis souvent, tu vas voir une personne pour qu'il t'amène vers la paix. Mais si tu ne connais pas la paix, tu ne peux pas savoir qu'elle va t'amener là. Alors, ce qui fait que ça, c'est un des symptômes du fait que tu veux, à un moment donné, évoluer, que tu vas aller plus vite. C'est bon! Parce que l'astral étant très peu intelligent, ayant une intelligence aberrée, parce que dans l'astral, il y a un petit peu de mental. Comme dans le mental, il y a une mémoire, il y a un peu d'astral. Alors, ce qui va arriver, c'est que cet astral-là, qui va vouloir que tu évolues, peut t'envoyer sur bien des chemins qui sont plus longs. Mais c'est moins long que si elle t'enverrait nulle part, puis si elle te garderait au niveau du matériel. T'es alcoolique, ben t'es pire que le gars qui s'en va dans des phénomènes spirituels qui sont, disons, aberrants un peu. Le gars évolue plus vite pareil que le gars dedans sa taverne, du moins la majorité des cas. Par contre, ce qui va arriver, c'est que ton astral, en t'amenant là, veut pas en te faisant cheminer un peu partout, parce que l'astral va t'amener, par exemple, dans une religion. Tu restes là 50 ans, puis t'as rien de nouveau. L'astral finit par se tanner. C'est lui qui est impatient. Il veut être satisfait. Alors, il te sort de la religion, puis te rentre dans une autre religion. Mais à force de te faire promener comme ça d'école en école, de philosophie en philosophie, bien, t'arrives à tomber quelque part où ça a plus d'allure que les autres. Pas nécessairement que c'est parfait, mais que ça a plus d'allure. Ça peut être parfait avec, mais ça peut avoir plus d'allure tout court. Alors, ce qui fait que là, tu vas commencer à monter des échelles dans ton évolution. Là, tu viens d'accéder aux marches. Telle chose, c'est pas bon. Pourquoi c'est pas bon? Bien, parce que c'est du niaisage. C'est du niaisage, qu'est-ce que t'en sais? Bien, fait 5 ans, je suis là, je le sais. Mais c'est pas du niaisage. Pour toi, c'en est. Mais avant que tu le saches, c'était pas du niaisage, hein? Bon, alors ce qui fait que ça, c'est des marches. Puis parce que tu montes de marches, faut pas que tu craches sur les marches d'en bas. Faut pas que tu sortes en public pour les interdire aux autres, leur dire que telle affaire, c'est pas bon. Parce que telle affaire, c'est une marche. Puis si t'as une marche, t'as une possibilité à un individu d'augmenter son schéma vibratoire. Alors toi, tu augmentes de marche en marche par ton désir astral qui veut arrêter d'avoir peur. Tu as le désir d'évoluer. T'as un désir pareil. Donc, un désir peut ne pas être satisfait. Donc, il y a encore les malheurs, les peurs, il y a un paquet de cossins qui est typiquement astral. Et il va arriver un moment donné où c'est qu'en augmentant ton schéma vibratoire, l'astral qui te mène là se fait avoir. Il arrive un temps où c'est que, paf, ton mental commence à évoluer lui avec. Puis à un moment donné, le mental finit par se rendre compte. Il arrive à un schéma d'identification. Le mental finit par s'identifier. Le mental sait qu'il est là. Et la pensée sait qu'elle pense. Et l'astral a des émotions. Les émotions savent qu'ils sont là, ça fait longtemps. Mais quand le niveau mental est rendu à l'identification dans sa phase évolutionnaire, il y a une phase de potentiel, il y a une phase de croissance mentale, il y a une phase d'identification mentale. Après ça, une phase de personnalisation où le mental va avoir une personnalité typique. Tu vas réfléchir d'une façon qui va être typique à toi et non pas typique à un schéma d'éducation. Alors, quand ton mental a une identification, il commence à lutter contre l'astral puis tu commences à vouloir maîtriser tes émotions, ce qui est une bataille qui est aussi terrible que l'astral qui veut maîtriser le mental, quand le mental veut maîtriser l'astral, parce que les émotions ont une utilité pour l'instant, donc le mental n'a pas à les maîtriser. Mais là, le mental finit par vouloir le faire, puis le mental finit par se rendre compte qu'il ne doit pas le faire, le mental finit par discerner quand c'est lui qui pense puis quand c'est l'astral qui pense, puis là, l'astral ne peut plus dominer. Et là, le mental arrive à dominer, puis l'individu peut être son seul maître. Puis l'astral qui t'a amené là, tout croche, tout travers, il vient de se faire avoir, puis maintenant, il est placé à sa place. Puis quand on dit qu'il vient de se faire avoir, il vient d'être sauvé. Parce qu'il revient à sa place, l'harmonie s'est réintégrée dans l'homme, puis l'homme va aller chercher les énergies supérieures. Ça, c'est un des phénomènes qui t'amène à vouloir chercher. Le phénomène de vouloir sauver l'humanité, par exemple. Le phénomène de vouloir faire du bien à l'humanité. C'est quoi? C'est encore astral. Si moi, je prends de l'eau, puis j'en verse à terre, si ça me fait plaisir, automatiquement, je recherche continuellement à verser de l'eau à terre. Et si ça me fait pas plaisir, je veux plus l'en verser. Bon. Ce qui va arriver, c'est que si moi, donc, je finis par apprendre que tout ce qui m'amène un certain feeling, que j'appelle le plaisir, ben, automatiquement, je vais le rechercher. C'est mon astral qui se sent sécurisé. Et quand j'ai un feeling qui me fait pas plaisir, j'appelle ça du malheur, j'appelle ça n'importe quoi, du dégoût, de la souffrance, alors je vais fuir. Donc, je rentre dans une démarche évolutionnaire, et non, qui n'est pas révolutionnaire, qui est plus normale. Je cherche le plaisir et je fuis la souffrance et la douleur. Alors, s'il arrive un jour où c'est que moi, je fais quelque chose dans la vie, je sauve une grenouille. Yak. Je sauve une grenouille, puis je me sens bien. Ben, je vais me lancer comme mission qu'il faut que je sauve toutes les grenouilles de terre. Alors, je vais ôter une grenouille des dents d'une couleuvre, puis je vais tuer la couleuvre. J'ai bien fait. Je viens de tuer la couleuvre. Comme quand tu vois, par exemple, un sale aigle, un sale rapace pogner un pauvre écureuil. Fait que si t'as un fusil, tu tues le sale aigle. Mais tuer pour tuer, tu sais. L'écureuil serait mort, tu tues l'aigle. Veut dire, c'est ce qui va arriver à un moment donné. C'est que tu as un plaisir. Et si ton plaisir, ben, toutes les fois que tu fais quelque chose et que quelqu'un sourit, ça te rapporte de quoi? Donc, ça te rapporte un plaisir. Alors, tu te lances dans le fait de vouloir aider. Tu aides pas pour les autres. Tu aides parce que ça te rapporte du plaisir. Ça te rapporte et c'est pour ça que tu aides. C'est pour ça que tu fais du bénévolat. C'est pour ça que tu veux sauver l'humanité à un moment donné. Parce que ça te rapporte. C'est-à-dire que ça te rapporte un feeling qui sécurise ton astral. Donc, ton astral veut te lancer dans une mission à sauver tout le monde. Mais c'est typiquement astral, et typiquement pour toi, et typiquement égoïste, et typiquement normal. C'est normal. Faut pas s'en faire avec ça, c'est absolument normal. Ce qui est anormal, c'est de s'en faire avec ça. Moi, je suis égoïste, je fais des conférences parce que j'apprends en parlant. Et le monde qui vient parce qu'ils apprennent en m'écoutant. Mais si on le sait, on est conscient, donc il y a un échange énergétique qui est correct. Si on le sait pas, si je suis ici pour sauver tout le monde, ben je suis ici parce que ça me rapporte, c'est j'aime ça sauver le monde. Si j'aimerais pas ça, ben je les sauverais pas. Alors si t'aimes pas aider le monde, t'es aide pas. Puis si t'aimes aider le monde, t'es aide. C'est pour ce que ça te rapporte que tu le fais. L'astral prenant le contrôle toujours sur ton schéma évolutif, il veut te pousser à te lancer dans un plan de sauvetage d'humanité ou de n'importe quoi. Tu vas prêcher, tu vas convertir pour te rassurer, pour sauver du monde. T'aimes ça, sauver du monde. Alors, ce qui fait qu'à un moment donné, tu peux vouloir évoluer pour pouvoir sauver l'humanité, sauver ton peuple, sauver ta race, sauver ta famille, en tout cas, bref, sauver l'extérieur. Et tu peux vouloir évoluer dans le but d'apprendre, parce que t'aimes ça apprendre. Tout ça, c'est astral. Mais ces deux choses-là qui sont typiquement astrales, faut pas les refouler, mais faut savoir ce qu'ils font, par exemple. Puis à un moment donné, ils vont se tromper eux-mêmes, puis on va avoir gagné. L'astral va avoir perdu. Ça a joué son rôle. L'air du poisson était là pour ça. Vraiment important. Est-ce que, Daniel, on pourrait dire qu'un bon gauge, quelque chose pour jauger, là, je pense en jauge, français. Une mesure. D'accord. Une bonne mesure, ça serait que l'humain, l'être, s'observe intérieurement quand il fait quelque chose à long terme comme ça. Quand on parle de mission sauver les grenouilles ou bien... faire du bénévolat ou ainsi de suite, là, dépendamment. C'est plus facile les grenouilles que des éléphants, c'est pour ça que je... Oui. Les serpents ont plus de facilité à les manger. tu me mélanges donc, toi, maudit. Alors, oui, si l'individu s'observe, OK, et puis il regarde s'il y a du désir en lui de faire quelque chose. C'est pas le temps. À ce moment-là, il va à l'encontre d'un des plus grands héritages de ce que Jésus nous a laissé sur Terre, je pense, qui est ceci, de faire la volonté du Père et non pas notre propre volonté. Alors, la volonté du Père, c'est quoi? Ben, c'est simplement comme tout à l'heure, je te disais. Si tu passes à côté d'une personne qui est en train de mourir et qu'elle se ranime, ben, c'est la volonté du Père que tu guérisses. Mais là, tu t'en vas pas faire tous les hôpitaux de la ville. Parce qu'il y en a là-dedans qui ont à apprendre à être malades. Il y en a là-dedans qui ont été à l'encontre de certaines lois, puis automatiquement, ils apprennent. Comme je disais, le karma, c'est quoi? Ben, si tu mets ta main dans un bac d'acide, tu souffres d'un karma d'acide. C'est ça. Si tu rentres dans un mur à toute vitesse, t'as un karma de mur. Alors que t'as des lois physiques, tu dois les apprendre. Alors si, une fois que t'as guéri quelqu'un, tu rentres à l'hôpital, ben non, tu ouvres une clinique, tu veux guérir tout le monde, ben tu peux faire beaucoup plus de mal que de bien, et tu as un désir. Tu ne fais pas le chemin du Père. C'est ça. Et comment déterminer que c'est le chemin qu'il faut suivre, c'est que t'as pas choix à prendre. Celui qui fait un choix perd la vérité. Mais vu que l'homme a fait plein de choix et qu'il est embourbé dans des choix, mais là, il faut qu'il fasse le choix de s'en sortir de ses choix. Donc, il faut qu'il fasse des choix parce qu'il est trop tard, il est dans un choix. Mais en faisant des choix, il peut choir complètement. C'est ça. Mais s'observer pour être une bonne mesure, un bon... Juste observer, exactement. Tu t'en vas, puis il y a un déluge, puis tu passes dans une rivière, puis les eaux se coupent, puis tu peux traverser. Bien, c'est les voies du Père. Essaye pas ça demain matin, ça va peut-être te noyer. C'est juste ça qui arrive. Puis vient un moment donné où... Mais si tu l'essayes, par exemple, là, mais avant de l'essayer, tu t'observes pour savoir pourquoi c'est que tu exactement, l'essayes. Tu vas attendre. Là, à ce moment-là, tu vas voir que c'est ton désir, c'est ton petit « je » qui veut... Tu ne noieras pas, tu n'iras pas loin, mais tu vas apprendre. Dans l'occurrence de traverser... La vie donne tout à l'homme. Elle donne tout de A à Z. Et même un peu plus que Z. Bon. Alors, ce qui arrive, c'est que l'homme s'en va... L'homme chemine, l'enfant vient au monde, il y a quelqu'un pour le faire naître, ou il y a personne dépendant des épreuves et dépendant des leçons, parce que plus souvent qu'autrement, c'est les parents qui ont à apprendre dans ce temps-là. Et puis lui, les individus n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent faire. Il y en a qui ont reçu des billets par la poste, des billets gratuits. Il y en a qui reçoivent des loteries, il y en a qui reçoivent plein de choses. Tu fais-tu un choix, tu fais-tu pas un choix? Ça n'a pas d'importance, mais si à un moment donné, tu as le feeling d'y aller, ben tu y vas. Si tu arrives là, puis c'est pas ça, ben tu y vas plus. Si t'arrives là, puis c'est ça, ben tu y vas. Mais tu te casses pas la tête. T'es pas toujours en train de savoir, de déterminer. Par contre, si t'es une personne, c'est ça qui est le problème de l'homme, une personne qui a une programmation paresseuse. Elle est assise pour faire rien. Bon. Puis comme je l'expliquais, elle décide qu'elle veut aller en Afrique. Ben si elle attend que le Boeing se pose dans son salon pour l'amener en Afrique, elle ira pas en Afrique. Donc à un moment donné, il va falloir qu'elle choisisse, qu'elle se décide, qu'elle se lève, qu'elle ait prendre un billet d'avion, qu'elle embarque dans l'avion, qu'elle descende de l'avion en Afrique. Bon. Puis après ça, ben là, qu'elle regrette pas qu'elle est rendue là. Hein? C'est normal, là. Bon. Mais c'est ça qui arrive. C'est que l'individu, vu que l'individu a fait un choix. Puis quand je parle d'individu, l'enfant qui vient au monde a pas le choix. En partant, il est déjà sur le bon chemin pour apprendre. Bon. Mais ce qui arrive, c'est que son éducation lui enseigne à faire des choix. Tu dois choisir comme moi j'aime. Hein? Mon salon, tu dois l'aimer. Parce que si tu ne l'aimes pas, je ne changerai pas pour toi. Fait que, autant que tu l'aimes. On le force déjà à sortir du chemin de la vie. Qui c'est qui oblige un enfant à s'habiller? Pas l'enfant. Qui c'est qui oblige un enfant à manger avec des cuillères? Pas l'enfant non plus. À un moment donné, il va s'amuser, ça y tente. Mais qui c'est qui l'oblige? Puis là, je pense bien des choses. Mais on l'oblige. Puis après ça, on lui dit, mais la solution, c'est que l'homme ne devrait pas faire de choix. C'est vrai, mais au départ... Puis maintenant. Maintenant, t'as plus le choix. Faut que tu fasses des choix. T'sais? Alors, ce qui arrive, c'est simplement ça. Tu fais un choix, mais comme tu dis, observe ce qui se passe. Alors, si tu fais un choix, ça a l'air à fonctionner, ça va. Mais il y a une autre affaire, par exemple. C'est que l'homme est tellement perturbé dans sa psychologie puis dans son marasme de choix manqué puis contrefait puis rien fait. À ce que tu vas choisir du beurre puis notre craft parce que tu viens de voir une annonce à la télévision. Tu choisis pas, mais en réalité, tu choisis pareil. Tes mémoires te forcent à choisir une marque plutôt qu'un autre. Alors, l'homme est tellement pris dans ces choix-là qu'à un moment donné, il faut qu'il fasse ses ménages. Puis il faut plus que ses mémoires choisissent pour lui. Il faut que son mental choisisse pour lui. L'homme a pas le choix, faut qu'il fasse des choix. Plus le choix, est trop tard. Bon, puis notre schéma d'éducation force nos enfants à se ramasser dans le même marasme que nous autres. Donc, les autres non plus n'auront pas le choix. Alors, ce qu'ils font, c'est que c'est plus l'astral qui choisisse, parce que lui ne peut pas savoir. Être attentif et s'observer, c'est pas astral, ça. C'est mental. Alors, si tu marches sur l'eau et ça marche, profite-en, marche. Puis si tu marches sur l'eau et ça coule, sois mental. Essaye pas de t'imaginer que un homme noyé, un moment donné, va bien venir me sauver, hein, si c'est pas un chien. Ben, c'est pas un chien, puis tu vas te noyer pareil. Alors, faut que ce soit mental. Faut que tu fasses des choix mental, plus des choix astral, plus des choix psychologiques. Puis être attentif, c'est ça. C'est le mental qui observe anaénergétiquement, donc sans énergie, qui observe. Et à un moment donné, ben, il se rend compte que telle chose, c'est pas ça. Il va pas spéculer pour savoir c'est pas pourquoi c'est pas ça. Il va pas chercher. Il continue à vivre. Il va être bien correct. Quand tu fermes les yeux et t'approches d'un mur, si t'es sensitif et attentif, tu vas percevoir le mur avant d'y toucher. Ça, ça se fait très bien. On le fait souvent dans des cours sur le magnétisme. Tu perçois, tu changes de cap. Si t'es astral, t'as bien mes peurs, tu perçois plus rien, tu te cognes. Puis si t'es bien sûr que le mur n'est pas là, ben tu te cognes aussi. Si c'est mental, tu y vas lentement, aucun problème. Tu vas t'en aller un petit peu croche, tu te feras jamais mal. Puis l'évolution, c'est facile. Faut que ça soit facile. Si c'est pas facile, ben c'est difficile. Puis quand c'est difficile, c'est parce que tu fais frapper des murs. Bon, ben quand tu frappes des murs, t'avances pas dans le bon chemin. Oui, mais encore là, j'en reviens à ceci, Daniel, c'est que, à part quelques initiés, ceux qui cheminent, on chemine difficilement. Effectivement, mais à un moment donné, oui. Là, c'est encore là, du monde qui ont une mémoire du poisson. Et ceux qui cheminent facilement, lorsque tu as une descente d'énergie qui t'amène un savoir instantané, pur et parfait, hein? Puis tu l'oublies tout de suite après, tu n'es plus capable de t'en souvenir. Ça sert à rien. Même si tu essaierais, tu ferais tout pour t'en souvenir. Il y a une transformation dans l'homme. Exactement. L'homme l'a vu comme un savoir, alors, mais c'est pas d'autre chose. D'autres choses restent, le savoir s'en va. Ça peut t'aider à te débarrasser de ton impatience, mais tu as hâte en maudit que ça revienne, que tu fasses le choix, que tu ne le fasses pas, ça ne revient pas. C'est ça. Oui. C'est comme ça que ça se passe. Mais à un moment donné, il faut en arriver à plus faire ça. Vois-tu, moi, j'ai pas assez d'eau dans mon pot pour boire. Fait qu'est-ce que je fais, je l'en remets. Là, je n'ai assez de me contenter. Fait que là, maintenant, je peux m'en servir un verre. C'est le même qui évolue, l'homme. Puis c'est pas une excuse, puis c'est pas une raison. C'est sûr que c'est souffrant, c'est sûr que c'est con. Mais à un moment donné, l'homme, il va être capable de faire d'autres choses, puis ça va finir, ça va être facile. Ça va bien aller. Ça fait du sens quand tu analyses tout ça d'un point de vue. Si on dis pas de suite. Si on se place d'accord. Dans un point de vue cosmique, ça fait du sens. C'est là, puis ça en va, puis... Mais quand t'es dedans, toi, tu vois pas ça. Pourquoi? Parce que quand t'es dedans, c'est pas le mental qui travaille, c'est l'astral qui travaille. T'as un accident, ben tu sacs. Pourquoi? Parce que t'aurais pas voulu en avoir l'accident. C'est pas mental, ça, tu n'as un accident. Puis même si tu compares la réalité de l'accident avec ce que t'aurais aimé qu'elle soit, ben elle est ça. Fait que c'est pas mental, c'est astral. Donc tu souffres. Parce que tu désires quelque chose que t'as pas. Puis si t'as une belle auto que t'as gagné à la loterie, ben t'as peur de la perdre. Bon, mais c'est encore astral, c'est pas mental, ça. Le mental, il s'en balance, le char, il est là. Quand le char, il est plus là, le char, il est plus là. Ça, c'est mental. Il y a aucun phénomène problématique là-dedans. Mais vu que l'homme est encore bien astral, ben l'homme a des souffrances. Mais c'est dans le but de l'entraîner à venir à se détacher de tout tel que Jésus l'enseignait. Ben oui, c'est évident. Se détacher ça, c'est de le tout, mental. Ça un cœur intelligent. C'est ça qu'il faut. Pas un astral, juste astral. Pas un mental, juste mental. Il faut un cœur intelligent. Ce que Salomon a eu, ce que le Nazaréen a eu, ce que d'autres ont eu, puis ce qu'un crime de paquet vont avoir. Peux-tu expliquer ce que canaliser l'énergie signifie, Lucie? Bon. Alors, Lucie, je vais donner un exemple que j'ai déjà donné ici en conférence. Je pense que c'est un exemple qui était facile à comprendre. J'ai dit souvent qu'on ne pouvait contrôler... que ce qu'on ne pouvait contrôler, fallait le canaliser. Bon. Si on a une rivière... On parle d'énergie, canaliser l'énergie. On a une rivière. On a un immense fleuve. Et puis, il passe dans mon champ. Et moi, je veux plus qu'il passe dans mon champ. Alors, ce que je fais, je m'en viens et je mets un barrage à la rivière. Fait que la rivière passe plus. C'est fait. On retourne dans mon champ. Puis, l'eau passe plus. Qu'est-ce qu'elle fait? L'eau a fait un grand lac, une stagnation. Elle détruit tout autour. Problème qu'on peut avoir au niveau énergétique, à un moment donné, quand ça bloque. Et à un moment donné, ben l'eau finit par traverser le barrage, puis 2 ans après, ça vient tout détruire ce que j'ai commencé, puis j'ai vraiment rien contrôlé. Canaliser l'énergie, ça veut dire que je peux faire un barrage si je veux. Mais je connais les lois régissant l'énergie de l'eau, ou l'énergie de quelle soit sa forme, Et connaissant ces lois-là, je sais qu'à un moment donné, ça va me donner telle chose. Je peux contrôler pour me laisser le temps de faire quelque chose ou je peux directement faire une digue, faire un canal. Alors, je fais une deuxième rivière, un deuxième fleuve que je creuse après avoir fait mon barrage, ou carrément, j'en fais un puis je laisse ma rivière couler sans faire de barrage. Je fais un deuxième fleuve qui contourne mes terres et après ça, je barre ma rivière, mais j'ai canalisé l'énergie. Et là, l'ayant canalisée, elle va où je veux parce que je connais ses lois. Et elle fait ce que je veux, donc elle peut m'être utile et elle peut ne pas détruire tout l'écosystème de la place. Parce que je connais les lois, je peux donc canaliser. Et quand je canalise, je contrôle. Mais si je veux contrôler sans canaliser, non. Canaliser l'énergie dans l'homme, c'est la même chose. Vouloir s'en emparer, c'est l'astral qui veut s'en emparer. L'astral étant de type astral, elle ne peut s'emparer d'énergie supramentale ou d'énergie mentale. Elle s'empare de la mémoire laissée par l'énergie. Donc, elle détruit l'énergie. Donc, elle ne contrôle pas l'énergie. Or, canaliser, c'est ça. C'est se bâtir un barrage, peut-être, pour avoir la paix un petit bout de temps. C'est pas nécessaire à l'ajusteur de penser s'en occupe. L'énergie descend plus. Au lieu d'être down puis d'être dépressif, faut en profiter, justement, pour se préparer. Bon. Alors, on finit par canaliser l'énergie, et ça, ça détruit rien. Ça passe là où l'on veut qu'il passe, puis ça va bien. C'est ça, canaliser l'énergie. Et aussitôt qu'on commence à canaliser, l'énergie entre de plus en plus. Oui, parce qu'elle peut passer dans un endroit qui est correct où elle peut. Elle peut passer là parce que c'est fait pour elle. Une question qui m'est adressée, Daniel, mais je ne connais pas la réponse. Jacques, peux-tu annoncer s'il y a lieu la date de la prochaine conférence du mois? Merci. Je sais qu'on a décidé une date pour le mois d'août, mais je ne me souviens pas. C'est la troisième du mois d'août. Troisième de chaque mois, c'est la conférence du mois. Troisième dimanche du mois d'août. Oui. À 1h30, hein? C'est ça. La conférence du mois. Puis ça, ben, juste pour ceux qui se posent des questions, là, c'est une conférence plus avancée où toutes les questions qu'on ne répond pas en conférence ordinaire, on y répond. Et puis, c'est normalement réservé à ceux qui ont fait le séminaire, le mien ou quelques autres séminaires, ou ceux qui ont suivi certains cours. C'est, disons que, on a déjà fait des conférences dans le genre avec un peu un public qui, disons, qui était peut-être pas tout à fait prêt. Puis il y a eu des problèmes psychologiques assez... ce qui fait que ces conférences-là sont réservées. Alors, la conférence du mois, c'est ça. Y a-t-il avantage à une personne d'être dans une descente d'énergie sans qu'elle comprenne? Ou bien elle est une marionnette dont on tire toutes les ficelles, la tirant à gauche et à droite, à un autre moment donné... La tirant à gauche et à droite à un autre moment donné... Est-ce une illusion le fait de croire qu'on fait ses propres choix? Quand on perçoit de plus en plus une manipulation, cette manipulation serait-elle le fait de notre immaturité ou tout cela n'est-il qu'illusion? Bon. De temps en temps, je parais un petit peu tannant, mais il y a des questions comme celle-là qui demandent une grande réponse, Roger. Et puis, ce qui arrive, c'est que j'ai déjà fait des conférences de temps en temps sur certains sujets, des conférences complètes. Alors, je ne peux pas répondre ici en une heure. Par contre, en ce qui concerne la marionnette, j'ai fait deux conférences. Une, c'est la liberté et le libre la liberté et le libre arbitre. C'est ça. Oui. Et puis l'autre, se libérer de la liberté. Bon. Alors, ce qui arrive, c'est que, disons, au niveau de ça, on va faire un petit résumé, là. Mais si toi, Roger, tu en savoir un peu plus, ben, il y aurait ça, ils sont enregistrés sur cassette. Alors, y a-t-il avantage à une personne à être dans une descente d'énergie? Ben ça, oui. Bon, sans qu'elle comprenne. Oui, mais ça peut lui amener des problèmes. Dans son moment immédiat peut aller jusqu'à 10 ans. Donc, dans ce moment-là, elle peut vivre ça comme une dépression. Elle peut vivre ça comme une affaire absolument dégueulasse. Elle peut penser que c'est négatif. Mais si on regarde son schéma de vie complet, ce que l'individu qui vit ça ne peut pas faire, ben c'est positif parce que 10 ans après, ou 2 mois après, ou 2 semaines après, ce qu'elle va en retirer va l'aider à avancer plus loin. C'est toujours positif. Mais c'est beaucoup mieux de comprendre parce que ça l'accélère, le phénomène. Exactement comme un enfant qui comprend pourquoi tu lui donnes une taloche sur une fesse, ben il peut raisonner s'il y a un mental adéquat, évidemment. C'est pas par l'astral qu'il va le comprendre. Par l'astral, il va rien taillir. Maintenant, il va avoir peur, puis il ne fera plus parce qu'il a peur, pas parce qu'il comprend. Alors, si tu donnes une taloche, hein, c'est une descente d'énergie, ça, c'est un. Bon. Ben s'il comprend le pourquoi, mais ça l'aide. Mais sur le moment, il peut trouver ça absolument négatif. Alors, c'est une marionnette. Vois-tu, dans la liberté et le libre-arbitre, ce qui arrivait, c'est qu'on expliquait que l'homme peut être manipulé, l'homme est manipulé par ses psychologies astrales, par ses mémoires. On pense parce qu'on a des mémoires. Si on n'a pas de mémoire, on ne peut pas penser. On n'a pas de mots pour penser. On n'a pas de visualisation pour penser. On n'a rien. Alors, donc, l'homme est manipulé par ses mémoires, ce que j'appelle l'intelligence passive. Ça réagit à tout ce qui se passe. Il se passe quelque chose, ça va des mémoires, puis on réagit en fonction de ce qu'on a vu. Ou bien l'homme peut être manipulé, disons, par Dieu, par l'intelligence active. Alors, l'homme est manipulé de toute façon, sauf qu'il y a une manipulation qui n'est plus manipulative. Disons qu'à un moment donné, il y a un chemin qui se dresse devant toi. Et ce chemin-là, il est clair, parfait. Tout ce que tu as besoin se trouve dessus. Puis si tu prends pas ce chemin-là, tu retombes des manipulations psychologiques dans les souffrances, dans les douleurs. Toi, tu es en face du chemin. Bien, t'as pas le choix. Ou tu embarques dans le bon chemin, ou tu retombes des manipulations. Mais veux, veux pas, t'es manipulé pareil, t'as pas le choix. Ou tu souffres, ou tu souffres pas. Puis quand tu décides de prendre le bon chemin, ben, automatiquement, c'est Dieu qui te force l'énergie. T'es manipulé par un être supérieur ou par l'énergie supérieure. Alors, ce qui fait que l'homme est toujours une marionnette, mais il peut devenir une marionnette consentante de deux façons. L'homme peut finir par accepter de souffrir, accepter d'être né pour un petit pain. Bien, ces êtres-là, disons qu'ils sont coupables de péché. Parce que l'homme n'est pas né pour un petit pain. Un être rampant, ça, c'est pas l'homme. L'homme qui est pauvre, bien, devrait se sentir plus coupable que l'homme qui est riche. Bon. Alors, on n'est pas né pour un petit pain. L'homme n'est pas un être rampant qui mendie des connaissances ou des aides d'entités supérieures. J'ai déjà expliqué qu'un patron, s'il voit quelqu'un qui rentre, puis qui fait tout ce qu'il veut, puis qui est un petit peu ce qu'on appelle un têteux, ben le patron le laisse faire tout ce qu'il veut, le patron l'aime bien, l'employé il amène des gâteaux de temps en temps, il offre des sacrifices, hein. Ben lui, le Dieu aime bien ça. Puis quand un autre individu rentre, il commence à travailler, d'un coup il voit que ça marche pas dans la compagnie, ben il essaie de changer ça, il en parle à l'autre, il en parle à Dieu. Et à un moment donné, Dieu, il dit, ben il prend puis il élève, hein, c'est de ça que l'univers a besoin. Dieu n'est pas parfait. Pourquoi? Parce que Dieu est partout. Puis Dieu étant partout, Dieu est dans l'homme. Et l'homme étant imparfait, bien, dans le partout de Dieu, il y a une place qui est imparfaite. Donc, Dieu attend après l'homme pour devenir parfait. Et Dieu n'a pas besoin d'hommes imparfaits qui veulent rester imparfaits. Il a besoin d'êtres debout, d'hommes. Alors, ce qui arrive, c'est qu'on est toujours une marionnette, mais on arrive à être une marionnette consentante de deux façons. On peut, comme je vous dis, accepter d'être né pour un petit pain. Ça, c'est pas correct. C'est l'astral qui donne ça. Et le mental, celui qui peut intellectuellement, donc, d'une façon logique, raisonner, mais lui peut finir par dire, bon, il y a un chemin là qui est parfait, puis il y a tous les autres chemins qui sont pas parfaits. J'ai pas le choix. Mais c'est évident que c'est là qu'il faut aller. Je suis une marionnette consentante. Donc, de ce fait, je ne suis plus manipulé. Alors, ce qui fait que, bon, ça, on parle des manipulations, tirer à gauche et à droite, ça, c'est l'astral qui fait ça. Puis quand on perçoit de plus en plus de manipulation, cette manipulation serait-elle le fait de notre immaturité? Ou tout cela n'est-il qu'illusion? L'illusion, Roger, c'est quelque chose de réel. La réalité de l'illusion, c'est quelque chose de réel. Mais même les illusions sont réelles, même s'ils sont des illusions. Tu souffres parce que tu as perdu ta femme, et vice-versa. Bien, c'est une illusion, cette souffrance-là, parce qu'en réalité, elle n'est plus là. Alors, la souffrance ne change rien. Mais la souffrance, qui est une illusion, qui est suggérée par une illusion, n'empêche qu'elle est une réalité pour l'individu qui souffre. Même si c'est une illusion qui suggère ça, qui amène ça. Alors, ce qui fait que l'illusion d'être manipulé, bien, t'es manipulé par les illusions. Donc, c'est pas une illusion d'être manipulé. Par contre, c'est l'illusion qui te manipule. Et ce n'est pas parce que tu es immature que tu es manipulé. Simplement parce que tu ne comprends et que tu ne connais pas tout. Si par là, immature, par l'immaturité, tu veux dire par une personne qui n'est pas en conscience, qui ne voit pas tout, disons qu'on est immature, mais sans ça, on n'est pas immature. On est inconscient. Et c'est bien différent, selon moi, là, de l'immaturité. On n'est pas... C'est pas parce que tu as des concepts ou des philosophies qui s'y rapprochent de l'immaturité. Le mot immaturité, là, il peut amener à plusieurs interprétations, mais l'immaturité qu'on emploie normalement, t'es immature, c'est parce que tu fais pas, t'es pas dans le carcan social, tu fais pas ce que normalement la société s'attend de toi. Tu es immature. Et c'est pas cette immaturité-là, disons, qu'il faudrait voir en termes ésotériques. OK, on me demande de rappeler la date de la prochaine conférence du mois. de Daniel, la date de la prochaine conférence du mois et la troisième semaine du mois d'août. Je n'ai pas la date exactement, là, mais c'est la troisième semaine du mois d'août. Le 19? OK. Le dimanche à 1h30, c'est ça. Merci.